Exercice A. Présentation du dialogue. Le Misanthrope est une comédie de Molière qui date de 1666. Le personnage principal s'appelle Alceste, un homme qui vit à la cour et qui a un caractère particulier. Il essaye de se priver de toute hypocrisie en disant toujours directement ce qu'il pense, bien que son ami Philinte lui recommande de parler d'une manière plus indirecte, moins explicite, comme il était habituellement fait à la cour du XVIIe siècle. Mais Alceste est tellement convaincu de son point de vue qu'il n'écoute pas à son ami. Pour lui, le mal de l'humanité est le résultat de cette formalité menteuse. Ses problèmes augmentent quand il critique un poème d'Orante d'une manière très méchante. Ce dernier va au tribunal pour faire payer Alceste. Mais Alceste refuse de se défendre, car cela aurait pour conséquence qu'il devrait se corrompre, parce que pour lui, il est impossible de gagner devant le tribunal sans payer le juge. Alceste tombe amoureux de Célimène, une jeune veuve, sans savoir qu'elle a plusieurs amants. Au début, on dirait que cela pose un problème à Alceste parce que Célimène n'est pas sincère du tout. De plus, elle se moque de ses amants par derrière. Elle désigne donc tout ce qu'Alceste déteste. Un jour, une lettre de Célimène est trouvée dans laquelle elle règle les comptes avec tous ses amants, Alceste inclus. Mais au lieu d'être choqué par son infidélité, il reste le seul qui la soutient encore, à condition qu'elle parte avec lui dans une région sauvage. Mais elle refuse cette offre en lui disant qu'elle se sentait trop jeune pour poursuivre un tel plan.